Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, il est question d'un documentaire, Salman Rushdie, La mort aux trousses. Ladies and gentlemen, Salman Rushdie. Le réalisateur pléthorique William Carell s'est entretenu avec Salman Rushdie pour retracer son parcours. Sous-titré « La mort aux trousses », ce documentaire au dispositif léger nous plonge dans l'histoire d'un livre qui a fait date puisque les versets sataniques ont valu à leur auteur une décennie de vie clandestine sous bonne garde de Scotland Yard pour échapper à une condamnation, une fatwa, prononcée par l'ayatollah Khomeini à leur parution en 1988. Les manifestations de rue se déchaînent aussi bien dans les pays arabes qu'en Angleterre. Salman Rushdie se voit condamné à mort pour avoir écrit un roman. Salman Rushdie est mort. Salman Rushdie est mort. Salman Rushdie est mort. My God, Salman Rushdie est mort. Né en 1947 à Bombay, quelques semaines avant l'indépendance de l'Inde, Salman Rushdie fait ses études dans l'ancienne métropole coloniale, où il découvre une Angleterre traversée par les tensions raciales et devient difficilement écrivain. Après un premier succès en 1981, grâce aux Enfants de minuit sur sa génération, celle de ceux qui sont nés avec la décolonisation, il s'attelle au manuscrit qui deviendra les versets sataniques en 88, devenu depuis un lieu de mémoire. Fable contemporaine, le roman est une critique acerbe de l'islam social et politique et dépeint un tyran prêt à dévorer son peuple, une figure qui cache à peine le masque de fiction de celui qui l'a inspiré, Khomeini, le guide de la révolution de la République islamique d'Iran. Dès la parution des versets sataniques, Salman Rushdie est condamné, décrié, y compris en Occident, par Jimmy Carter, John le Carré ou Roald Dahl, qui dénoncent l'agression que constitue son roman contre la religion musulmane. Un premier débat naît sur la question, bien avant les caricatures de Mahomet et les meurtres de Charlie Hebdo. Mais ces critiques sont noyées dans les déclarations de soutien d'une large communauté internationale d'artistes, d'intellectuels et de dirigeants politiques. Salman Rushdie devient une célébrité mondiale, populaire, que tous veulent rencontrer, saluer, honorer. Parmi les nombreux témoignages d'empathie, Isabelle Adjani lui rend un hommage tout à fait vibrant lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir son César en 1989. J'ai un tout petit peu peur de jurer avec le ton de la soirée. C'est-à-dire que j'ai plutôt envie de vous dire des choses tragiques. Alors j'espère que vous m'excuserez. J'avais envie de dire que on croyait révolu l'exclusion de l'artiste et sa condamnation à mort. Permettez-moi de vous lire le passage, quelques lignes d'un texte. Les anges... Quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain, verset satanique. William Carell fait le récit de cette pipolisation par la censure religieuse. Un parcours qui va jusqu'à inspirer une comédie musicale, jouée une seule fois à Broadway, avant d'être diffusée sur la chaîne de télévision américaine HBO. Here I am hiding out now in the hole. Barely eating, barely sleeping, the shit's taking its toll. Fuck whiting, I got bigger fish to fry now. I know I'll die now. I need a plan, I do not like this. Furnishing the scripture, how he mocks me. Salman Rushdie, La mort aux trousses, est le récit de l'avènement d'un homme sauvé par sa célébrité qui en parle aujourd'hui avec humour. On aurait aimé en savoir davantage sur les ressorts littéraires capables de s'attirer les foudres de si nombreux croyants. La tête de Salman Rushdie est toujours mise à prix aujourd'hui. Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve les liens et les informations sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur notre site sur franceculture.fr.